In the next dialogue, you'll hear two new numbers, 82 82 and 92 92. Listen again and repeat the French. First, 82 82 and now 92 92. Et maintenant, voici Madame Mathieu. Vous avez un stylo? Je veux écrire le numéro. Oui, madame, voici un stylo. Et du papier? Bien sûr. Excusez-moi, madame. Voici du papier. Maintenant, boulevard... Haussmann, numéro 40. Haussmann 40. Ah, c'est près de l'opéra, n'est-ce pas? Oui, madame, je crois. Oui, c'est près de l'opéra. Et le numéro de téléphone? C'est le 01 42 82 34 56. Le 01 42 92 34 56. Non, madame. 01 42 82 34 56. Oui, je comprends.